bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd kon xamna fi ñu yamul wa moy ci walu loxoy kon ci lañ doon wax donc ba def ben parenthèse ci walu jikko yi ak ñu wara samonté ak loxo ndey jor ak di doxalante ci walu ndey jor mais and ak lool yëpp amna exception amna exception bokku na ci exception yi moy par exemple kaaba gi buñuy tawaf chamoñ lañuy tawafé hein ngir ngir jëm ci voilà manam côté gauche lañuy tawafé wa borom xoxom nak rahmatullah dañuy wax né hikma yi tax moy lolu ñen dañ ci bok na ci hikma yi ci wax manam sagesse yi nek ci ginnaw lolu moy le fait que xol le fait que mu nekké côté gauche voilà le fait que xol bi nekké côté gauche donc pour nit ki buy di def tawaf manam xol bi gën fété côté bobu nonou voilà parce que xol bi tamit benen moy neegu yalla bu mag bi voilà and ak kaaba gi moy neegu yalla la mais moy neegu yalla bu ndaw la boko bolé ak neegu yalla bi nga xamné ma parce que borom subhanahu wa ta'ala neegam yi nga xamné dafa am neeg buñu tuddé baytul mahmoud am benen neeg buñu tuddé moy bobu moy juroom ñaar asaman la nek fofu la mam ibrahim alayhi salatu wassalam nek fa la wër ndondam fofu la wër ndondam di jangal xalé yi nga xamné genn nañ aduna ak di len yar moy dig ginaaw voilà ni nga xamantene voilà moy digu ginaaw voilà legui bu fekenteene mam mu am benen neek bo xamantene mom lañu tudde baytul izzat mom moy neek bi nek ci asman su ndeuk ci bok ba benen neek la bo xamantene alquran mom fa lañ ko ndeuk wacce mom la na anzalnahu fi laylatil qadr fa lañ ko wacce won ci bisub guddik laylatul qadr waye mo am benen neeg bi nga xamne mom moy kaaba gi mom moy yoy ñom ni dañ tegalo nga xamne bu baytul mamour bu doon wacce ci kaw suuf ci kaaba gi lay dal bayt waye neeg bi nga xamne mom moy neeg bi gëna mak te kaaba manam neeg yoy nak benn bu ci nek amna juroom ñaar fukk jooni malaaka yo xamne dañ ñew diko wërsi chaque jour dañ def tawaf 70000 malaaka te ku ñew do ñew ci tous les jours benen neeg bi nga xamne moy neegu yalla bu mag bi nak bi nga xamantene mom la ne asaman yi ak suuf yi xajuma ci waye fima xaj moy xol sama jambuma gem fofu la xat xol bobu la xat fofu rek la xat xadul fenen voilà manam moy nit ku gem yalla ni xolam bi di ajo ci borom subhanahu wa ta'ala ni ci yalla di nekati ni ngoy gemé manam moy ku xam borom deug subhanahu wa ta'ala xam ay turum ak ay melom manam borom subhanahu wa ta'ala feñu ko ci yoy non manam nimuy gisee magay borom bi nimuy gisee lolou ci xol bobu la xat borom subhanahu wa ta'ala ci xol bobu la xat de telle sorte que yalla rek moy ne ci xolam manam yenen mbir yep dina len meuna beug mais da len beug ci beug bi mbeug yalla manam beugum day centraliser wu du disperser wu xam nga li ëpp ci nit ñi seen beug dafa disperser wu c'est-à-dire que dinañu bëgg seen papa seen yaay bo bëgg bi ñi bëgg seen té voilà dinañu bëgg médecin bi leen fajj dinañu bëgg nit ku bax de manière générale dañ bëgg seen soxna dañ bëgg seen doom dinañu bëgg seen fas wala xar mi ñu yor ci kër gi dinañ bëgg auto bi té façon bëgg yi yépp benn bokku ci sa morom mais lepp bëgg rek lañ leen di dundé voilà té façon bëgg yi yépp benn bokku ci sa morom ni mi fiyéñi mais and ak lolu yépp boudé nitu yalla ñom seen bëgg biñuy bëgg yoy yëpp day déllu rek ci bëgg biñu bëgg yalla ce qui fait que ñom en fait ben affaire lañ bëgg mu yalla ben yalla lañ bëgg et que bëgg biñu bëgg yalla mo disperse manam mom mo concentrer mo centrer yeneen bëgg yi mo centrer yeneen bëgg yi mais boudé masque lola masque populaire le commode mortel sans masque bëgg gi ñi bëgg day dispersé wu day dispersé wu mais ko xamantene yalla mo nekk ci xolam koku bëgg gi mi bëgg day concentré wu ci ben ci yalla ci hein ci bëgg bi bëgg yalla kess lolu lolu li ni dafa aju ci ben xam xam bo xamne nitu yalla ñokoy xam buñ tuddé elmul khawatir elmul khawatir moy bi aju ci khawatir plusieurs la ci khatir khatir moy dara lu wacc ci xel moy une pensée une idée lu rot ci xolu nit ci khalatam voilà khatir nak moy idée yoy di nga xamné day ñew di wad ci xolu nit ki dafa nek lo xamantene dafa nek lo xamantene comme ha dafa am lu ñuy laaj fofu wa ok c'est asharifatu voilà legui legui khatir moy xel mom moy xalat mom ñu loon ñu doon wax manam nga xamne day ñew rek une idée la rek buy romb ci xel mom ak nit kuy romb ñoy yam mom ak nit kuy romb ñoy yam c'est à dire que yow tay bo taxawon fi ci buntu salle bi ni tek sa chaise tok nit ki di romb dem bu rombe nuyo dem yow foko taxawlo wul du taxaw day yam yonam xalat non la mel idée manam da nga ñew motax nit ki ci d'ailleurs lool mom moy secret bi nek ci 70000 malaka yoy di tourner autour de neegu yalla moy ne comme xol bi moy neeg bu matte dafa am 70000 xalat idée yu romb ci xol ci xel xol parce que wax nañ ne la xel ci lan la ne xol diko romb tous les jours 70000 fois manam 70000 xéti xalat yu ñew ay idée yu traverser bob bi mais ku ñew rek day romb ku ñew day romb ba kéro nga koy taxaw lool mom motax li nga xamne ci khatir la bok kenn du ci bindal bakkar nit mom leg leg nit ki tok am ben xalat bu doy war mu romb bob bi bo xamantene du ko sax ñewé wax wala du ko xalat wax kenn day romb rek ha nañ baye bu jall dal baye bu dal ah wax na mu dem ha donc lolu xel la muy xalat la muy romb yu mel non da nga ci gis ci bir jour ci bir man 24 heures 70000 dina ci romb ci xol nit seul yi nga xamantene mom nga taxawlo yoy ñom ñoy développer wu après ñu nekk ham manam ham moy moy yitté ambition non pas ambition en tout cas le mibit moy mibit espoir mibit intention plutôt mais pas égal niveau intention voilà moy projet bo xamantene commencé dañ ko tracer mais mûrirugul souhait idée voilà souhait idée voilà et cetera après nak ci lay commencé yé di évoluer ba meuna nek nak lo xamantene nit ki da ci dogu nak moy azima moy yimmi ya intention fofu nak ke moment bobu ci lañuy commencé jappé nit ki dara mais sou bé da fa yitté wo dara comme li hadith bi wax bu amé ben mibit té defuko am mettre ko en application demul dogu wu ci pour dem def ko té ndugo ci bindal bakkar voilà donc lolu kon ben par la buy nek ci nit ki ben affaire la buy nek buy dal nit au départ manam buy meuna dal nit moy xatir yoy moy 70 millions légi ñom ñent lañ ñent façon lañ ñent façon xalat ñom ñoy traverser ci bop nit ki manam ci xol nit ki ci biir ci digënté guddigi ak bëcëg manam 70 millions dañu xajalo en quatre parties dafa am lo xamantene mom moy khatir rabbani am buñu wax khatirun malaki am luñu wax khatirun nafsani ak khatir shaytani khatiru bo xamantene rabbani la moy bu tuké ci yalla bo xamné ko du borom bi la mu am khatir khalat bobu nga xamantene lan la malaki la manam ci malaki la jogé am bo xamantene nafsani la ci bakkan la jogé am bo xamné ci sheytane la jogé donc ñent la yo xamantene su ko nit ki xamé wé dina ko permettre mu meun évoluer voilà khalat bi nga xamantene mo mo tuké ci borom bi subhanahu wa ta'ala mo mo lay djublulo ci lepp lo xamantene dafa aju ci yalla yi kesse non la wara gëm yalla da nga wara top yalla da nga wara nek ci li yalla manam ci djublu ci yalla ak say sa xol ci yalla djublu manam di wiru ci yalla ba pare di man muy aju ci ngay mën di xamé man di découvrir di mën di trouver tour yalla yi ak melo yi à travers événement yi ak xew xew yi man di gis magay yalla ci lu né di gis katanu yalla ci lu né et cetera yoy ci borom bi la joggé xalaat yi nga xamantene ñom ñoy joggé ci malaaka yi ñom ñoy yi nga xamné ñoy lay diggal lu bax nan la julil woral bul def manam defal li bul def li lu baxul lool la parce que malaaka nit ki do kol xalam dafa am comme côté bi nga xamantene malaaka yi dañ fay nek moy côté droite bi côté gauche bi dafa am lan han sheytane bu fa ne diko inspirer lolou kon xalaat bobu mo mo tukki ci malaaka yi bu fekente ne ci xol bi la ci manam bakkan bi la manam bu joge ci sheytane deja moy mom dalay diggal rek ne la del def lu bon ak baye lu bax sheytane lolou la lay wax dafal lu bon baye lu bax alors que bakkan mom nak mo lay duggal khalaatu bakkan mo lay duggal ci lepp lo xamantene dafa aju ci ay plaisir ay loisir ay yoyu bakkan la bi différencier nak lu différencier khalaat bu joge ci bakkan manam ak inspiration bu joge ci bakkan ak bi joge ci sheytane moy ne sheytane bu la diggele dara par exemple bu la diggele ben bakkar ben yon rek la koy diggal sheytane du la diggal ben affaire ba pare wolbeuti ku di la diggalat la même chose sune la par exemple defal lu bon li ba nga xass ko def fekk na xam nga bakkan mu xamugo te bakkan bu xamagul dara du réclamer lool du ko réclamer comme xalé yi lañ mel annafsu kaptif la comme ni imam bu sey wax rabbil alamin bakkan mom ak xalé yi nonu lu mu xamul du ko réclamer donc mais soko ko xesse ba xamal nak da ngay gis muy wolbeuti ko nak legui nak bakkan moy ñew di réclamer c'est dire que sheytane kon mom bu ñewé l'essentiel moy day baliser terrain bi pour bakkan mom day fexé na lan la defal li par exemple ko xamantene xamul luy bal yi lan moy bal xam nga donc mom du tok ba xelam ne ko man par exemple ba muy am désir dem bal yi c'est-à-dire que mën nako xalat mais jamais mu djol manam mu nek obsession ci mom alors que bu ko seytane digelé ba mu dem def fiko nak après nak légui nak bakkan moy ñew nak nan ko ah man da kéro fa nga dem non day bëgg na fa delu ah kéro da fa nga dem mo bëgg na fa delu voilà légui sheytane day jugé fofu dem ci benen terrain c'est-à-dire que bu le sheytane bu le xesse ba digël ben affaire du répéter wat digël day baye bakkan continuer liguey bobu lolou mom motax moy li gëna jafé dindi moy lo xamantene bakkan da ko tam ba paré lolou moy li gëna nakari dindi ci li nakari dindi cependant suko ce qui fait que ba paré cheytané processus lay doxale tandis que cheytané jamais mu ñëw né la waxal nangam baxul ci xamal ni baxul mais wax ko wala defal nangam and ak ne xam nga ni baxul mais def ko cheytane do xala non jamais par processus lay doxale manam la manam bu par exemple bu lay bayilo julli du ñew rek la bayil julli parce que xam nga ni bu newe gis nga ni yow tout da ngay julli da nga fonk julli da ngay ki bu ne la bayil julli da ngay bañ mais processus la dalal la mais ça julli jot na ga mais xam nga comme da nga nek ci liguey et puis liguey jambour la hein et puis comme da nga nek ci situation yi bon grawul quoi bay rek ba dem keur ga genre yoy mom lool la lay wax leg yow so d'accordé ak mom ci lool nga bay ba dem keur ga comme que deegi da ngay commencer tamou di yexi julli wala diko bay complètement manam ba muy genn waxtu yi mom deja bu amé lool lu magga mag la ci mom parce que julli wulo waxtu yi ci heure bi ko yalla bëgg wa légui da fay djema légui yow su gisee ni bon lolou mom c'est acquis légui bo ñibisé légui nga xam tane légui lolou mom c'est acquis mom manam bop mo amé occasion bo xam tane bu réel la bo xam tane amul benn contrainte bu taxaw bo xam tane julli heure mën nga ko def sax da ngay gis mu la koy retarder lo no grawul xaaral ki ah yow du da nga daan bolé sax affaire mais grawul bolé rek dajelen manam donc lool moy deuxième étape bi ba nga dajelen troisième étape bi mom moy day ñew ne la mais comme que yag nga ko di xol ni et cetera mais bon xam nga wala gis nga boole bi wañu dara xaaral bu suba tay da nga sonu d'ailleurs bay bu suba et cetera nga bay bu suba legi mu lay muy fexé kon ngay dajale julli par ben jour wala par deux jours après ba nga tam lool ba mu leer li mom akina ci mom mu dem ci benen étape bi voilà légui non mais c'est que et puis temps yi da nga gëna am da nga gëna ñak jot quoi xam nga et puis ki nangam et puis xam nga julli affaireu am jot la yoy surtout bu fi dem ci gaay ñom seen daayru wax ibadu lañ la fay wax fofu surtout lool parce que ñom bo fa démé dañ lay wax ay affaire julli ngay am ay cas de conscience yi xam nga cas de conscience amna ko moko ko mo so nekk ni benn gamu benn ndaw si néna ma am kuma gis mu néma man seen gamu gi kérok neexon na ma sha Allah nangam d'ailleurs bi may ñew amna sax kuma la roona indalé batay waxuma nak kan la mais néna amna kuma la roona indalé way koku dal bené mom dal vraiment wajon na bay ñew way neena dal man nono duma dem dal parce que buñ fa démé da ngay dégg Moustapha di fa wa nan ay mèche baxul ay sol pantalon jigen baxul lu yoy té yoy man non après may am cas de conscience quoi duma mëna ci waxa finalement ma bayyi quoi mu jottok ñewul parce que bugul ñew dégg par exemple lool né mèche baxul parce que té bu boba day dal di commencer am cas de conscience dal di mu jottok donc yoy processus la hein manam processus la bo xamantene dalay sorel lepp lo xamantene waron na la meuna dimbali ci nga genn ci lolou mom dalay sorel la lolou bo demé ba ci kanam mu jëlat benen indi wat ko le la non mais xam nga c'est que deuk bi d'ailleurs mais du yow kessé ba parfois de utiliser ñenen ño xamantene ñoñu day wax ci sen lamine ñu lay jappale ñuy jappale lool manam non mais xam nga fi nak bo bëggé top ta affaire julé lool bo da ngay sonno parce que mënul nek d'ailleurs et cetera manam nga gis lo xamantene manam ay théorie ay waxu cha xami men lo xamantene vraiment téguul ci dara loolul théorie kessé mais lool lañ lay wax né li moma la né li man tané voilà bo naré dem lu bax lu manam ci lo xamné dalay jappalé ci julli sax nga gis mu commencé la wax lolu non mais xam nga deuk bi bo fi nekké xam nga beaucoup xam nga fi beaucoup te tiers monde quoi xam nga gars ils sont développés dañu am xam nga technologie bi avec les xam nga en 2015 lañu nek quoi ak les nouvelles découvertes scientifiques xam nga lolu c'est pas normal xam nga ay affaire djulli yoy xam nga affaire tardé la nangam et pourtant xam nga li li ñu wax ni xam nga amul ben rapport ak djulli. Mais pourtant, tu es là. Il n'y a pas de rapport avec Julie, il n'y a pas de développement économique, nouvelle technologie. Mais quel rapport là avec Diko Diourafet, il n'y a pas de rapport. Mais tu es là. Non, tu sais, en 2015 quand même, mais leur idée, quand même, c'est scandaleux quand même. Voilà. Hein? Voilà. Voilà. Si nangotuñ ko même ci radio yi ni ken ben même ki dootuñu nango waxati sax bay wax né par exemple di wax nan wala comme Adam ak Awa ki yoyu kenn ñëmetu ko wax ci radio bi wala télé ñu invité la télé journal 20h ngay wax ay mom Adam ak Awa non koku xamou ben intellectuel xalatou quel que soit nek intellectuel musulman nangam nak xalatou parce que processus bobu la te pourtant amul ben rapport mais manam ñimi woko wax en fait sa xel manam parce que yow bokay wax sax en fait da nga nan mais manam da ngay douter c'est dire que processus bobu cheytane manam lepp da koy jaar par processus du ñeu xey xey rek mais gaay de leen def li de leen bayyi li parce que amna bu ko waxe ni ñu lañuy bañ mais étape par étape la koy def voilà jiko ju ñaaw du lay tambulo du muy duggal ci yow tamit non la du ñeu rek na la bayyi li de leen def li nangam nangam lool bu lako wax ay da nga gëm yalla wéddil yalla légui légui xam bu sétane du waxe non mais daf lay processus la processus la bayyi li de leen def ni de leen ki ni et cetera ba legui nak par contre bu la xesse ba réussir ben affaire xam na ni bakkan dina topato li ci dess donc mom day mission fin de mission lay am ci lool dal de wuti ci benen mission ndax xam na ni bakkan dana ko topato legui nak nit ki nga xamantene dam na ba xalaatam yep nak nek ay xalaat yo xamne côté yalla la jogi kokou day mujjé dem ba nga xamantene xolam day mujjé nek centre existence bi univers bi xolam day nek centre existence bi c'est-à-dire que moy nek niigu yalla bi gëna mak nga xamantene univers yépp day wour day tawax autour de mom manam pour légui pour revenir ci fiñ jogé won ci né xol bi voilà manam ni mu mel ak kaaba gi rapport bobu kaaba gi am ak xol bi nga xamne motax buñuy di tawaf ñuy commencer mu ñuy tawaf di fété gauche bi voilà amna tamit ñeneen ñu ci wax benen xek mom moy ne dañuy wax ne mais bobu du xekma bi gëna justifié wu moy wax bi ñuy wax ne bu yowmal qiyamé ku ñu di jox téréem ndey jor manam ak chamoñ lañ koy mëna joxe bu fekkante nak légui ci manam da nga demone makka tawaf et cetera yu mel non kaaba gi day ñew sawet de telle sorte que buñu joxe téré yow do am possibilité wu joxe lako ci chamoñ ndey jor bi rek ka fi nek waaw manam même bu fekkante na lolu mëna nek né lolu ben hikma la mais bu ñëk bi mo gëna dëgël mo gëna taxaw parce que tamit nit ki de toute façon ñi di def yu baax même bu musul dem makka bu musul tawaf kaaba gi dañ koy joxe téeram ci ndey joram parce que lu baax la doon def nit ki mëna dem makka tawaf kaaba gi def yu bon du ay yu bon yu ëpp doole yu baax mu yaq jëfum parce que aussi lool bu ñu ko bayyi xel mu yaq ko mu ñu ñu jël ñu dox ko lay jor ñu dox ko ci amone ak téeram andal ne ak buñu nangu lan aljana moy payam ak buñu nangu aljana moy payam dañuy mais lolu nonu ak buñu nangu nak adul manam tawaf kaaba yi ben pilier la rek ci at bi ben pilier la ci at bi mais du mom rek moy pilier ci at bi ça veut dire que nit bu tawafé kaaba yi te musul te adul deug véritablement manam moy deful safa marwa demul taxawul arafa ak yoy demul nan nangam yoyu di amul manam amul ak deful hak ko ko amul ak waxuma la nak mu def lu yak ak ha mu de sacraliser mu dindi arab armal donc lool mom motax wax ñu ci gëna deug wala ala ku le xal li ci djublu won moy ne kon loxo ci nday jor fofu sayyidna legi kon loxo nday jor mo kon loxo yi buñu waxe borom subhanahu wa ta'ala ko waxe kon loxo fo tay par exemple bu ne ngeenel ci loxol yalla la nek innal fadla bi yadillah lox ngeenel ci loxol yalla la nek lolu limi di tekki moy mom moko mom rek ko mom moko mom te moko jox ko nek par exemple fu mu ne comme benen bi ci dess amna benen han ñu tudon sant comme voilà bu wax iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday lula tere nga sujud nga sujudal nga xamne mako bindek samay loxo sama ñaari loxo lolu lan la manam yitte gi mu def ci mom ci bind gi mu ko bind particularité yi nga xamantene mom la def ci mom ci mbind gi mais yoy yep moy ta'wil bi boudé ta'wil bi xamnañ lan la boudé nit yalla yi ñom comme niñ ko jappé moy wa moy akabirul arifin yi moy comme moy na tagal li la ak xétu feñu la bu borom farafa di feño ci alamul khayal manam nga xamantene fofu nonu ñi impossible yep dañu possible et que comme ben feñu rob worom so na tan day feño di wonene di woné ben melo bu tuddu lox ak différentes façons yi mu koy feño c'est à dire que leg mu feño ko ci di joxe wërse comme nan ñaari loxey dañu ubbe ko dañuy dépenser lu ko nexé comme leg muy feño ci di bind yo xamantene nit ñi buñ ko gisee dañu wara sante yalla comme limu wax ci jurgi numa khalaqat aydina an'aman an'aman yo manam jurgi wala ci ngeenel gu mu yor mu feño ci côté bobu tamit et cetera mais ala kulli hal feñu la tajalli la bo xamantene arif bi mom daf koy gis lu mu gis rek day gis ni ci loxol yalla la joge et que lepp lu mu yor motax arif bi manam ki di xamne yalla deug ki di nand manam di comprendre lu mu gis xam nga comme li hadith bi wax ne bo jele sarax diko tok ci loxo miskin bi ci loxo yalla lay jëkate manam koku tegal li la c'est à dire que ki nga xamantene mom moy arif bi buy jox dara miskin bi dengi wolof dañu am yalla jox la voilà c'est à dire que mom du gis ne mom moy joxe mais day gis ne ci loxo yalla la jogue teggu ci loxo yalla et que mom du ci dara e kim koy dox aussi manam mom du gis ngeenel ci kawam day gis rek ne ci loxol yalla la joge dem ci loxol yalla voilà comme sayyidat aisha radhiyallahu ta'ala anha voilà bu saraxi ben def parfum ci limi saraxi ngeenel parce que kuy dox loxoy kuy dox yalla dara dang ko koy def doxé ci anam bi mu gëna rafet sayyidat bi sallallahu alayhi wasallam lool la ko waxon en vérité li nga yor moy parce que dafa am lu mu yoral diko saraxel len li ci dess mu jël ko lek ko sey yentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ana len la ndawal suma djumul ndawal la won muneko li ci dess day dam ko saraxel mais li rek ka ñu dess muneko dedet li rek nga dessewul manam li nga am yépp moy li nga joxe parce que lolu c'est sûr que comme tek nga ko ci loxoy woor moy loxo yalla hein voilà lolu mo perte ko par contre li boko nekké après yalla perte ko fa lay am manam ñu voilà hein voilà mais lolu tamit mom kon ki di gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy bour di bummi manam moy di def di jindi mo yor lepp mom nonu rek lay meuna gisse mbir mi c'est-à-dire que ce qui fait que du deñ di gis ne loxol yalla mo nek ci aduna bi di def lu ko neex di dindi lu ko neex hein motax yabsutu wa yaqbidu wa ilayhi turja'un mom moy ki nga xamantene moy ñup ak di talal te ci mom ngeen di delu ci manam lepp moko moko def kon dogal yi yep tamit mom la manam lool mom motax bokku na ci xek manam ci maggaayu loolu tax gem dogalu yalla bokku na ci mag ci gëna mag yi yalla di may nit bu ko xese ba may da koy ubbil buntu mu xam boromam subhanahu wa ta'ala parce que ki gëm dogalu yalla tout temps amul manam bokku na ci yoon yi gëna yomb pour nit ki wala budul de moy yoon bi gëna yomb pour nit ki xam borom subhanahu wa ta'ala ak di gis boromam ci lu ne moy lan moy mu gëm dogalu yalla manam moy lan moy lu xew rek ne yalla moko dogal c'est à dire que bu dara amé rek c'est parce que yalla non da ko xamé won té non lu ko bëggé won té katanam nonu lako dogalé ba mu xew nonu décret bi nonu lako signé won ba paré nonu lako appliquer mettre en application c'est à dire que kon mom day gis tout temps loxol yalla ci lu ne muy di dindi di def manam mom lu mu gis rek c'est à dire que motax ku gum dogal deug ba xam ni ndekete dara du xew lulul ne yalla rek ka fi ne diko def manam mom non lay gisse mbir day gis tout temps lu mu gis rek mom day gis ni manam c'est comme si day gis loxol yalla di def di dindi di technique voilà di yeketti di tek di et cetera di yeungal di voilà ha voilà mom du gis leneen lu muy gis rek moy ne yalla ngi def mi ngi dindi mi ngi changer mi ngi parce que kullu yawmi huwa fi shan parce que bis bu ne mi ngi ci dara manam moy mi ngi feñal ay mbir tous les jours mi ngi mettre ay mbir en évidence mi ngi mettre mi ngi faire apparaître des choses voilà tous les jours amul ben moment c'est-à-dire que tous les jours c'est-à-dire à chaque instant mi ngi def ay dara di feñal di tek di feñal di gemni di wané et cetera yalla ñu yalla may lool mu diko gisse lool diko xamé lool di war kent bi sallallahu alayhi wasallam voilà comme mi nga xamna mo ne wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi wala lool yawm al-qiyamati mu ne souf ci yeb ci ngeubum lay nek ci ngeubum wa té lool lu yawm al-qiyam kessé comme ni mi waxe malik yawmiddin mom moy ki mom bisup fay xam yawm al-qiyam mom kèn du wérante ni yalla mom bisup parce que fi aduna nit ñi din ñen ñi nenañ d'accordu ni yalla fi mom moy defa ka dimb mom moy bour bi yoy fi aduna amna ñu ñi gis ñu ko d'accord mais yawm al-qiyam kèn du ko wérante niki non kon c'est pas parce que ren yawm al-qiyam la yalla mom deuk naka jek yalla mom massa mom bisup lol mo xew fi tamit niki nonu yalla nepp gimu nepp soufsi nepp manam c'est à dire que dominer bim ko dominer mom ko di ci def lu ko neex kessé xam nga tay buñ nan non mais kokou t'inquiète pas kokou sama nepp la né dama ko nepp wala comme ni jigéñ ni do ko bayiko ki sama tête fi la né ma ko voilà ci sama la ko seur bi la ko tak manam expression la pour wax ne pour wone domination bi maîtrise bi hein voilà nonou tamit la amé lu démé nonou manam nonou manam borom subhanahu wa ta'ala kon domination bobu manam mom lay exprimer ci ngub gi ba para muna asamané nak dako lem ci ndey joram voilà donc yoyu yoyep ay kon ki le bu borom subhanahu du tuddu ay manam lu du loxo ak kon yi nga xamantene mom da lambo ñu yam fofu inshallah ñu wosifa والله تعالى على صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين